Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Liberté numérique. Société de l'information. Azonge sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur 2. Bidouillage. Pense à ça. Ni filtrage, ni censure. Nous voulons net, libre et ouvert. Actualité de 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Random 25. Alors, avec la traditionnelle équipe, donc avec Dédé à la technique. Bonsoir. Avec Mad Mertigan. Bonsoir. Et Little Charlie également. Bonsoir. Donc, nous sommes... Le 10 octobre 2010. Nous sommes le 10 octobre 2010, la citation de la semaine avant de commencer l'émission parce qu'elle est quand même énorme. Je cite « Et grâce à notre président de la République Nicolas Sarkozy, la France est la pionnière mondiale de l'Internet civilisé. » Ça nous vient de Muriel Marlan Militello, députée des Alpes-Maritimes. C'était sur son blog cette semaine. Dites aussi Militello pour sa défense du Minitel. Tout à fait, du futur Minitel français. Du futur Minitel français, parce que ça, c'est vraiment excellent. Donc en fait, Random, numéro 25. Ça fait presque un an qu'on est à l'antenne sur les ondes de Radio Campus, 106,6. Une semaine sur deux, en alternance avec l'écho des Gnous, l'émission des Casse-Coups. Qu'on salue au passage. Cette semaine, on aura donc dans les actualités locales des trucs qui se passent à Marc-en-Barœul. Parce que bon... Marc-en-Barœul, quand c'est même. Local. C'est du local, oui. On aura quelques actus du côté du milieu hacker, pas mal de choses qui se passent également dans le milieu hackerspace et même localement à Lille. On parlera de l'Alopsy juste pour dire que elle sera pas votée avant la fin de l'année, donc. On parlera un petit peu dans notre rubrique Votre culture c'est la nôtre. Comme d'habitude, on va parler de la Dopi. Il y a pas mal de choses marrantes qui se passent de ce côté-là, et puis on parlera de l'ACTA également avec une coordination locale Nord-Pas-de-Calais qui se monte petit à petit. Et puis on aura une rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance qui cette fois-ci va beaucoup parler des fichiers policiers. On en a beaucoup parlé, notamment du côté de du MENS, parce que vous le valez bien. Donc on me baisse mon micro, parce que... Non ? D'accord, on baisse les retours. Et puis on aura un dossier qui va être très rigolo, parce que je ne l'ai pas compris, c'est le dossier donc ACTA Société. Oui, hacker la société. Donc ça va parler open data, ça va parler... mode de vote et organisation sociale. C'est cool. Et puis également, on va parler de... Et le téléphone qui sonne tout de suite. Je vais laisser la parole, en fait. Et puis il y aura un agenda. Je vais donc laisser la parole tout de suite à Little Charlie pour nous parler un petit peu de ce qui se passe à Marc-en-Barœul. C'est très rigolo. Alors, les actus locales, c'est un peu, on revient sur ce qui s'est passé il y a 4 semaines. La municipalité... Je récupère l'article en question. Hop. Allez-y, je vous en prie. Ah, il est par terre, je crois. Il est par terre. Voilà. On a un édito de Bernard Gérard dans le magazine Images de Marque, comme chaque image de marque depuis... Depuis sa création, donc le maire est responsable de l'édito. Donc j'ai... Le maire est responsable de l'édito. C'est la feuille de chou municipale. Donc il y a le maire qui dit, après le temps de la compassion, doit venir celui de la réflexion et de l'action. Il est en effet indispensable que toute la lumière soit faite sur des circonstances qui ont pu permettre un tel drame de se produire, et j'ai saisi en ce sens la ministre de la Justice, afin que tous les enseignements nécessaires soient tirés de cette dramatique affaire. Bon là il continue, il dit car il est légitime que le doute puisse profiter à l'accusé lorsqu'on le juge. J'estime que bien des cas, dans bien des cas, ce doute doit naturellement bénéficier à la société qui doit être protégée lorsque le condamné est susceptible d'être libéré. C'est énorme, c'est la présomption d'innocence qui tombe là. C'est surtout la volonté de pousser encore plus fort la rétention de sûreté, puisque ça pourrait désigner, vu la rédaction, ça pourrait désigner le fait juste de que quelqu'un qui soit psychiatriquement atteint d'une psychose se fasse soigner. Mais là, le maire parle de saisir la ministre de la Justice. Donc ça laisse clairement entendre que c'est pas sur l'internement de personnes atteintes de psychose qui va travailler, mais sur la rétention de sûreté. Donc là, on a une position vraiment officielle qui confirme ce qui se disait dans les comités de quartier il y a quelques semaines. Donc voilà. Et la deuxième actualité, c'est sur la vidéosurveillance, la vidéoprotection. Oui. où on a, en page 11, donc de Images de marque, toujours, toute une page sur pourquoi la vidéoprotection, c'est bien. Donc Marc Ambarol pour un usage responsable de la vidéoprotection. On retrouve dans ce texte à peu près tous les 2 à 20 mots. On retrouve soit le mot respect, soit le mot vidéoprotection, soit le mot liberté, soit le mot responsable, soit le mot sécurité. Tout est fait pour mettre en confiance. Il y a vraiment tout un choix des mots du champ lexical. Je crois que je vais faire appel à la mairie de Marc pour le référencement naturel de mon prochain site web, parce que oui. Je crois que là, ils font fort. Alors, et travail, famille et patrie ? Non, ça fait pas partie. Ça y a pas, bizarrement. Voilà. Donc ça c'était pour les petites news locales, et dans les news locales aussi, dont on reparlera un peu plus tard, il y a la création d'un groupe régional sur ACTA. Oui. Ouais. Donc on va passer aux actualités du milieu hacker. Je crois que j'ai merdé en fait. Non mais pas de soucis, on va. Non mais j'ai merdé, donc en fait c'est sur celui-là, c'est ça ? Non, mais c'est pas grave. On va faire sans jingle. Voilà, ouais. C'est quoi le truc ? Donc, les nouvelles des hauts lieux et du localhost. Qu'est-ce qu'on avait à dire là-dessus ? Ah si, j'ai compris, ouais, ça y est. T'as trouvé. Je vous demande une petite seconde. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Allez. Ça y est, non mais c'est la galère, c'est la deuxième fois que je fais la technique et cette fois-ci je stresse. Donc dans l'actualité du milieu hacker, on va parler en tout lieu tout honneur des nouvelles des hauts lieux et du localhost. Donc il y a eu un rendez-vous, donc c'était lundi de cette semaine avec Zara, où donc des personnes des hauts lieux sont venues voir Zara pour la troisième fois, c'est donc eux qui avaient invité le collectif des hauts lieux. Et donc le projet de Zara de crèche est un peu bloqué, donc ça s'orienterait plus vers le soutien au niveau municipal, donc du projet des deux projets phares des hauts lieux, donc du hackerspace et de la coroutine. Ouais. Donc c'est la direction de Zara qui a repris contact en fait et qui a invité des personnes des hauts lieux à discuter quel était l'objectif un peu de ça. De faire avancer les choses, puisqu'ils ont dit qu'ils nous aideraient, et donc voilà, de leur côté ils sont bloqués, mais ils sont venus discuter pour faire avancer le projet. D'accord, et il y a des choses concrètes qui ressortent de cet entretien Ils vont nous aider, tout bêtement, je d'accord. crois. D'accord, ouais, juste... On resserre les liens et voilà, c'est ça. On confirme les choses. C'était plus une reprise de contact en fait du locataire des hauts lieux. Donc du coup ça veut dire qu'on avance un petit peu sur le dossier du localhost et qu'on risque quand même d'avoir un hackerspace sur l'île d'ici peu de temps. Au niveau hackerspace, toujours, petite news en fait que j'ai vu passer tout à l'heure parce que je lis pas les flux RSS et que voilà. L'Electrolab, donc le hackerspace qui se monte à Nanterre, du côté de Paris, en banlieue parisienne, c'est un hackerspace en fait qui sera très dédié à l'électronique et à la mécanique, donc à vraiment des trucs de bidouille assez poussés. Ils souhaitent pas finalement agir dans l'ombre un petit peu du Templab ou en tant que sous-zone du Templab, en tant que sous-partie du Templab, et donc ils se constituent en association. J'ai vu passer ça tout à l'heure, donc la création de l'association est en cours, ils sont en train de discuter les statuts. Dernière petite chose au niveau du milieu hacker, bon, bah, y a la création d'un meeting 2600 à Périgueux. Donc vous pose tout bêtement parce que le meeting 2600 Bordeaux n'arrive pas à décoller, donc voilà. Meeting 2600 Périgueux, toutes les infos sur 2600.zimple.eu. Et on va passer à la catégorie censure, filtrage internet et neutralité des réseaux. Sur l'actualité de la LOPSI, bah, y a pas grand chose à dire à part que. Qu'il y a un report de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, qu'il y a les retraites, tout ça. Donc, ça passe un peu la trappe, mais ça va revenir. Bah, ça sera pas voté de toute façon d'ici la fin de l'année pour une loi qui était quand même censée faire donner la grande ligne directrice de l'activité de la police et de la gendarmerie pour les années 2009 à 2013. Elle sera pour l'année 2009, c'est mort. Pour l'année 2010, c'est mort aussi. Il reste la fin du mandat de Nicolas Sarkozy et puis le début du mandat du ou de la prochaine présidente, qui aura donc, si jamais c'est quelqu'un d'à peu près à gauche, aura à gérer ce truc-là. La partie suivante. La partie suivante, j'ai un jingle, c'est ça. Et en fait. Notre culture, c'est la vôtre. Notre culture, c'est la vôtre. Et donc voilà. Peut-être un poil trop d'écho vers la fin. Ouais, c'est les nouveaux jingles, on les teste en live, c'est cool. Donc voilà. Alors donc notre culture, c'est votre culture, c'est la nôtre. On va parler d'Adopi vite fait. Que dire sur l'Adopi? Alors les premiers mails d'avertissement sont partis cette semaine. Youpi. Et le gagnant est un lecteur de Corben, c'est génial. Donc voilà, il a gagné le droit d'avoir son pseudo un peu partout sur le net. Et puis il a reçu également un petit lot du côté de la quadrature du net. Ils lui ont offert une adresse IP et ils lui ont offert un t-shirt Pi, il me semble. Je crois qu'ils ont offert le manuel de l'art et la manière de forger des adresses IP. Ah c'est ça, d'accord. Oui. Petit livret dont je vous recommande la lecture parce que c'est bien croustillant. Il y a des jeux de mots sur les acronymes, sur les protocoles. C'est vraiment rigolo. Donc on répète sur la Adopi quand même. Il faut bien comprendre les choses. Il y a des mails d'avertissement qui sont partis. Free a annoncé qu'il refusait d'envoyer les mails d'avertissement tellement c'est n'importe quoi. Il faut pas avoir peur. C'est juste des mails d'avertissement. Et puis il y a énormément de méthodes pour se protéger. Les polices privées des médias, des majors de l'industrie du divertissement ne surveillent jamais que BitTorrent et Mule, donc certains réseaux de peer-to-peer. Ouais. Pas plus que ça. Donc ce qui veut dire que téléchargement direct, ça continue à passer, il n'y a aucun problème. Et puis après, il y a les trucs un peu plus barbus, du genre VPN, des choses comme ça, ou réseau privé virtuel qui marche très bien. Et puis on sort avec une adresse IP en Suède et voilà, la Adopi, papa, au revoir. Et puis sinon, il y a toujours le truc de. Il y a toujours quoi d'autre ? Il y a Freenet par exemple. Oui, enfin, c'est un peu lent. C'est un peu lent, je sais pas, j'ai jamais testé. Freenet et Tor, c'est un peu lent. Attends. Ouais. Mais I2P apparemment c'est un peu plus rapide. On peut utiliser Torrent dans I2P. Ouais. Apparemment c'est pas spécialement lent. Il y a pas mal de choses aussi qui bougent du côté de du côté des réactions internationales. On a quand même Sir Tim Berners-Lee qui explique pourquoi il considère les lois type Adopi comme un fléau. C'est excellent. Ouais, on peut quand même, je penserais, expliquer que Tim Berners-Lee est l'un des créateurs du web. Enfin, c'est l'inventeur du concept. L'un des créateurs. L'un des créateurs, pas le seul. Oh. Le web se base quand même sur pas mal de. Ah, le web d'aujourd'hui. Non, le web tel qu'il a été créé à l'origine se base déjà sur des normes et des choses qui ont été inventées bien avant. Donc, d'accord. Sur le HTML et d'autres. D'accord. Bon, donc voilà, donc quand même Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, pas n'importe qui explique que c'est de la merde, que c'est un fléau. Y a des trucs assez rigolos et assez croustillants aussi du côté de... après on va arrêter de parler d'Hadopi, mais sur comment la loi Hadopi sert de cheval de Troie pour imposer la censure natale. En fait, la loi Hadopi, elle sert à quoi? Ben, elle sert à faire entrer chez les gens un petit logiciel mouchard avec une liste noire gouvernementale. On n'a toujours pas les spécifications d'ailleurs, parce que de toute façon, ces spécifications, ce logiciel de sécurisation, non. Il ne pourra jamais sécuriser la machine, donc c'est difficile de faire les spécifications de ce logiciel. Et justement, sur les spécifications de ce logiciel, on a quand même une sortie de monsieur Rigidel, qui est complètement délirant, ce gars-là. Rigidel, donc, qui a rédigé, en fait, à lui tout seul, les premières spécifications techniques du logiciel, du mouchard gouvernemental de l'Hadopi, qui a déclaré des trucs assez rigolos sur des hackers qui montent des orages quantiques, tout ça, pour casser la planète entière et tout. Complètement délirant, le type. Et qui, dans une récente interview, a déclaré que toute façon, si on n'a rien à cacher, si on n'a rien fait de mal, on n'a rien à cacher. Hein. C'est voilà la règle de base de l'idéologie sécuritaire ambiante. Et dire que ce type-là, quand même, il est censé être chercheur à l'ENST, quand même, tu vois. Enfin, voilà, tu vois, l'École nationale des télécommunications à Paris. Donc on va refermer le volet Hadopi là-dessus. En réexpliquant que comme le dit Muriel Marlan Militello, quand même, et grâce à notre président de la République Nicolas Sarkozy, la France est la pionnière mondiale de l'internet civilisé. Voilà, ça, c'est, même, bon. c'est waouh. Sur la rubrique ACTA, ouais. Justement, la France est pionnière, mais elle va pas rester là. au niveau mondial, donc il y a le traité ACTA qui se finalise. Il y a eu au Japon des dernières négociations, donc le traité est prêt à être négocié au niveau par exemple de l'UE, au niveau du Parlement et à d'autres niveaux locaux. C'est pas encore la version n'est pas encore vraiment sortie, mais c'est pratiquement définitif d'après ce qui se dit. Donc le traité ACTA, pour rappeler, c'est un texte au niveau international qui veut lutter contre le partage d'informations. Donc partage d'informations logicielles, empêcher les brevets logiciels, empêcher le partage Plutôt durcir les lois de la propriété intellectuelle, donc ne pas empêcher les brevets logiciels, mais... Obliger une application mondiale des brevets logiciels. Voilà. Il y a aussi une application mondiale des brevets OGM. Donc ça va déposséder les agriculteurs, les petits exploitants de leur capacité de semer, puisque après de ça va production. Être ça va être des semences. Ça va aider à pousser les semences génétiquement modifiées. Il y a sur les médicaments génériques. La volonté donc d'interdire une partie des médicaments génériques, de casser des législations nationales qui ont imposé de créer des médicaments génériques pour certaines catégories de maladies comme le palu, comme le virus de l'hépatite ou d'autres maladies. Pareil pour le VIH qui est quand même un fléau mondial qui progresse toujours et toujours. Tu veux dire c'est pas qu'une maladie de PD le SIDA? Non. Non. C'est bon. Mais on a des personnes de l'UMP qui aiment à le dire. Mais... Oui, qui par exemple Muriel Marlan Militello a-t-elle dit des trucs? Non, elle se centre sur le sujet d'un internet civilisé. Donc, oui. Mais donc il y a aussi d'autres dispositions sur la restriction de la possibilité d'archiver certaines œuvres et d'en faire des copies. Donc pour les bibliothécaires, les documentalistes, les archivistes, ça pose des problèmes. Et Google? Je ne suis pas creusé la question, mais en tout cas, ça touche vraiment des tas de militants de tous bords. Donc des militants écologistes, des libristes, des hackers, des journalistes, des médecins. Ça touche vraiment énormément de monde. Donc voilà. C'est vraiment un gros truc sur un durcissement mondial de la propriété intellectuelle. C'est là qu'on voit en fait aussi l'entrée de l'humanité dans l'ère de l'information et dans la société de l'information ne va pas s'en poser de problème parce que du coup, l'information, typiquement, elle était traitée par les lois sur la propriété intellectuelle et on voit en fait les limites. Et plutôt que de repousser ses limites et de changer de système, on va continuer là-dessus, on va durcir. on voit un peu le délire dans lequel sont tous ces gens-là. C'est pas que Adopi, c'est pas que l'Opsy, c'est même carrément là, parce que on retombe un peu dans les bonnes vieilles luttes de pouvoir de gens qui ont un pouvoir médiatique et un pouvoir financier et qui veulent le garder, puisque derrière la communication que permet l'internet, ça déstabilise des puissances, des hommes politiques. Alors ça c'est très rigolo, parce que du coup c'est une analyse carrément marxiste de dire que tiens, il y a des bourgeois, ils sont au pouvoir et tout c'est, ça. Et c'est de l'autre pas forcément côté, une analyse marxiste. Ça peut se. C'est un peu la lutte des classes quand même, l'ACTA du coup. Ça va au-delà de la lutte des classes. C'est aussi une certaine déviation de la démocratie qu'on veut garder en place. C'est des problèmes de corruption. Donc c'est, je pense que. De la corruption au Parlement européen ? C'est pas vrai ? Non. Ça n'existe pas. Vous mentez, monsieur, vous mentez. Bon, 20 minutes qu'on parle, on va quand même mettre un peu de musique, peut-être. Alors, je sais pas trop quoi vous mettre, mais en fait, je sais quoi je vais vous mettre. Un truc de Trent Reznor et Atticus Ross. Je suis désolé, ça sera pas super violent, mais du méchant, j'en ai pour plus tard. Ça s'appelle Pieces from the Whole. C'est extrait de la bande originale de The Social Network, le nouveau film de David Fincher, le mec qui avait réalisé premier film Alien 3 et deuxième film Seven. Bon, ben là, il sort un film sur le fondateur de Facebook, l'histoire de comment il a fondé Facebook, etc. La BO de Trent Reznor, comme d'habitude, hein, pour ses deux albums. Donc, Trent Reznor, seul et unique membre et leader, forcément, de Nine Inch Nails. Donc, il nous sort un truc et c'est dispo sur internet en téléchargement libre. Je vous laisse écouter. Ça dure 4 minutes 25, c'est un petit peu lent, et puis y a quelques trucs assez rigolos, et après on repart sur la partie faites-nous confiance, on va reparler des flics. Vous êtes sur les ondes de Radio Campus, 106,6 MHz en FM, et respirez, tout va bien. Random, l'émission qui parasite. Donc, de retour dans les studios de Radio Campus, 106,6 FM, c'est l'émission Random, l'émission du groupe Dégénérés Sciences Lille. Et, vous venez d'entendre donc Nine Inch Nails, donc Trent Reznor et Atticus Ross, c'était Pieces from the Hall, extrait de la bande originale du film The Social Network de David Fincher, à sortir prochainement sur les écrans, je crois qu'il sort mercredi. Et donc là, c'est la séquence... C'est la séquence N'ayez pas peur, faites-nous confiance. D'accord, et alors avec donc... Une actualité moyenne, on va dire. Allez, je la classe dans moyen. Elle arrive en fait, normalement. Voilà. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Et donc, la rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Mais je suis en train de faire n'importe quoi à la technique, un truc de fou. Non, c'est bien là. C'est bien, c'est bien là. En fait, si tu le dis pas, les gens s'en rendent pas compte. Donc, faut pas le dire. Bon, d'accord. Faut pas le dire. Alors, la rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance. De quoi qu'on a prévu? Ah, bah oui, mais il s'est passé un truc quand même fou cette semaine. C'est quand même un truc de malade. Un fichier policier ethnique, donc un fichier raciste, en France. Révélé donc par Le Monde, la gendarmerie a monté quand même un fichier sur les Roms, un fichier complètement illégal en dehors de la CNIL. Voilà ce qui se passe en fait. Voilà ce qui se passe dans le pays des droits de l'homme. Dans le pays des droits de l'homme, voilà ce qui se passe. Moi, je voudrais bien savoir si la gendarmerie nationale roumaine a un fichier dans lequel il y aurait tous les ressortissants français. C'est hallucinant et c'est complètement en dehors de la CNIL. C'est-à-dire que la CNIL ne fait rien là-dessus. Ça va au-delà de l'hallucinant, parce que quand même dans les caractéristiques fichées, c'était on va même jusque dans les spécialités supposées de la personne. Oui. Donc vol à l'étalage, à l'arraché, escroquerie. Ouais, voilà, c'est génial, de vol à la roulotte et tout. C'est vraiment complètement fou en fait comme histoire. Et ça montre un petit peu le délire dans lequel on est. Et du coup, ça rappelle en fait tous les problèmes qu'on a sur les fichiers policiers en France, qui sont complètement, qui sont absolument pas gérés par la CNIL, qui comprend pas qui est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Des fichiers le phare chez les gendarmes, donc qui est censé être détruit le 24 octobre et qui en fait voilà. Jean-Marc Manac a fait un excellent article sur son blog là-dessus pour résumer un petit peu la situation. C'est quand même assez fou. Il y a une autre news en fait qui a été intéressante, c'est que la police a bien accès au relevé des appels téléphoniques et au relevé de géolocalisation, ceci sans contrôle judiciaire. J'ai vu passer ça chez Rue 89. C'est hallucinant. Ça veut dire que voilà, la police peut comme ça accéder tranquille, elle a tout le matériel et toutes les compétences pour le faire, comme ça accéder au relevé des appels téléphoniques et au relevé de géolocalisation. Comme ça, comme elle veut, quand elle veut, aucun problème, il n'y a aucun contrôle, et c'est la fête, quoi. C'est open bar au niveau des relevés des appels téléphoniques. Et ceci sans contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'elle peut le faire comme ça, si j'ai bien compris les choses. Pour bien comprendre ce que ça a de problématique pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, on a beau n'avoir rien à cacher, comme on dit. Il y a des personnes qui sont des militants politiques, il y a des élections, il y a des enjeux pour les personnes qui ne participent pas à des élections, il y a des enjeux politiques, et le simple fait de réussir à déterminer qui on appelle, ça permet de connaître à l'avance les stratégies de ses adversaires, donc ça permet au pouvoir en place d'anticiper ce que font les adversaires politiques, de les manipuler. Pour des personnes qui ont des mœurs qui ne sont pas normales, entre guillemets, ça peut être un moyen de détecter ces mœurs et d'ostraciser les personnes et d'avoir d'avoir une pratique discriminante vis-à-vis de ces personnes. En même temps, pour ça, maintenant, il y a mieux, il y a Facebook, quoi. Non, c'était un troll. Bah, il y a Facebook, mais en fait, là, il y a un truc rigolo sur Indymedia Lille, tu fais bien d'en parler. Il y a l'identité de 3 membres de la brigade anticriminalité de Lille. Des gens super pas cool, avec des liens assez intéressants sur l'extrême droite, qui ont été divulgués, enfin, sur Indymedia Lille, il y a quelqu'un qui a balancé, comme ça, l'identité de 3 membres de la BAC, et qui révèle des liens avec l'extrême droite, c'est assez rigolo. Donc ça s'appelle du cop-watching, bon, c'est une pratique un peu discutable sur le fond, mais le but du jeu, en fait, est de savoir à qui on a affaire en face. Bon, ben voilà, au moins, ça existe, et ce qu'on peut faire avec Facebook, parce que c'est vraiment que du Facebook, c'est on regarde les copains des copains des copains des copains, et puis on détermine, ah tiens, bah lui en fait il est copain avec machin qui est un pont d'extrême droite local. C'est quand même ouf. Bon, sinon, dans les personnes un peu double face, d'un côté face gentil et d'un côté face méchant, il y a monsieur Turc, le président de la CNIL. Sénateur du Nord. Avec donc, un article de ONI, qui titre Dr. Alex et Mr. Turc, donc avec un sénateur qui vote comme une lettre à la poste les projets de loi. Sans... Adopi, l'opsi. Voilà. Mais qui, d'un autre côté, n'hésite pas à les critiquer dans les médias très très fortement donc, bah, en tant que président de la CNIL. C'est-à-dire que le mec, en tant que président de la CNIL, il critique Adopi, il critique l'opsi. Et en tant que député UMP ou sénateur UMP, il les vote. C'est génial, c'est du multicasquette, c'est cool. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais d'ailleurs. C'est un petit peu le concept. Et puis on va clore un petit peu ce dossier-là sur ah oui non, il y a une histoire rigolote. Il y a une histoire de 3 mois de prison ferme pour outrage à agent. C'est quand même énorme. Donc c'est un gamin à Brest qui se fait gauler par les flics machin parce que il sort d'une boîte de nuit un peu pompette et puis voilà il y a un gendarme qui le voit, il se fait immobiliser son véhicule, il rentre chez lui tout vénère et il met des insultes contre les flics. Alors les insultes sont assez rigolotes, on les a vues dans le jugement, c'est du nique ta mère machin truc, le tout écrit dans un français très approximatif, tu vois, et en fait 3 mois après 6 mois plus tard plutôt, les gendarmes tombent dessus sur son profil Facebook qui est public et paf paf, 3 mois ferme. C'est génial. Et alors en fait, Maître Eolas fait un article sur son blog pour expliquer que selon lui, le jugement est illégal parce que déjà il y a prescription. Oui, c'est 3 mois de pour un délit de presse auquel est assimilable Facebook. Et surtout en fait, un outrage c'est quand les propos sont pas publics. Quand les propos sont publics, c'est de l'injure publique. Et l'injure publique n'est pas passible de prison. C'est assez fort en fait. Donc voilà, il y a une note qui est assez rigolote. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec Facebook justement à l'heure actuelle. Mais on n'a pas besoin de Facebook. De toute façon, on peut surveiller ses salariés avec surveille-mes-salariés.com. Oui, aussi, okay. Oui, tout à fait. Vas-y, balance. Donc il y a une société qui propose donc de mettre un keylogger sur les machines des salariés d'une société et aussi de faire un screenshot, donc une capture d'écran toutes les secondes en fait. Donc on a le détail de ce qui est frappé au clavier et le détail de ce qui s'affiche à l'écran. Donc soi-disant le logiciel respecte la vie privée des salariés et ne touche pas au secret de la correspondance, mais... Quand on intercepte toutes les frappes de clavier, on est capable de reconstituer l'email qui est envoyé via l'ordinateur. Et on est capable de voir aussi le contenu des emails qui arrivent. Voilà. Donc l'auteur de ce logiciel assure respecter la loi, mais il y a quand même de forts doutes. Il y a 7 points qui sont mis en avant. Donc tu l'as dit, l'enregistrement des touches des claviers, il y a la liste des sites internet visités sur la journée, il y a la capture d'écran toutes les secondes. Voilà. Il y a le logiciel est invisible, donc pour l'utilisateur c'est invisible. Il y a une alerte qui est envoyée instantanément avec une liste de mots-clés, c'est-à-dire que l'administrateur entre une liste de mots-clés et pouf pouf, dès que les mots-clés sont saisis, il y a des alertes envoyées. Il y a un rapport journalier qui est envoyé par mail au petit patron. Et c'est un logiciel super simple à prendre en main. Voilà. C'est vraiment génial ce qu'on peut faire avec... Oui, mangez-en, tout à fait. La dernière news, je pense aussi, qui va bien aller avec le dossier qui va suivre, c'est le vote électronique qui a failli passer pour le vote chez Europe Écologie de leur fusion, de leur programme, tout ça. Il y a les nouveaux adhérents d'Europe Écologie qui ont fait... Chouette, On est écologiste, plus de papier, on va tout faire par électronique et on va utiliser les machines à voter. On met à la trappe le respect de l'intégrité du vote, puisque avec une machine à voter, on ne garantit plus l'intégrité du vote. On met à la trappe le secret du vote, parce qu'une machine électronique, faut vraiment analyser comment elle fonctionne pour être sûr que ça garantit le secret, et il n'y a personne qui est capable de le garantir. Et puis surtout, en fait, pour une force de gauche qui est censée s'opposer à Nicolas Sarkozy sur son volet sécuritaire, machin. Et qui s'oppose aussi au niveau institutionnel pour les élections nationales et locales, qui s'oppose aux machines à voter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, si t'as du vote électronique dans ta propre orga, qu'est-ce que tu veux aller contrer Sarkozy et ses machines à voter ? Voilà. Et ça a fait débat quand même chez Europe Écologie. Ça a fait débat, c'est pas passé, mais c'est surtout le noyau dur historique d'écologistes, des Verts, qui a donc une connaissance de ce dossier-là. Qui a étudié longtemps sur le fait que c'est effectivement pas possible d'avoir un vote fiable avec du vote électronique, mais on sait pas ce que ça va donner. Non, on n'en sait rien et c'est pour ça que c'est rigolo. Est-ce qu'on passe un peu de musique avant le dossier ? Allez. J'ai 5 minutes de musique, je vous ai promis du brutal, je vous mets du brutal. C'est Néorine, ça s'appelle Kill the Monkeys, vous allez reconnaître la voix et si vous la reconnaissez pas, punition, tout à fait. Ça s'appelle Kill the Monkeys et franchement c'est du bon. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus, 106,6 MHz en FM, vous êtes dans Random, l'émission du groupe des Générations Sline. Et je vous mets ça et montez le son très très très fort. Experiencing technical difficulties. Please stand by. Okay. Random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. De retour dans les studios Radio Campus 106,6 FM pour l'émission Random numéro 25. Et voici l'heure du dossier. Donc là, aujourd'hui, ça sera un dossier sur hacker la société. Alors, hacker la société, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas, faire péter la société, c'est pas être des méchants pirates, c'est donc venir... Elle a que des problèmes, la société. Donc c'est venir améliorer la société, la modifier à la manière de l'électronique ou des logiciels, mais là, on travaille sur la société en elle-même. Pour améliorer la société, déjà, il faut avoir une connaissance de la société, des enjeux, la façon dont elle fonctionne. Donc, il faut déjà avoir des données. Ces données, soit on les produit, comme le fait le projet OpenStreetMap, en produisant des données cartographiques qui peuvent avoir un intérêt ensuite pour la prise de décision, sur l'urbanisme d'un lieu, sur l'activité économique d'une ville. Ça peut être des outils d'aide à la décision. Mais dans notre société actuelle, c'est surtout les collectivités territoriales et les sociétés publiques ou privées qui possèdent énormément de données qui ont un caractère public, mais qui ne sont pas forcément publiques. Donc il y a un courant qui s'appelle l'Open Science Data ou l'Open Data en plus court, qui vise donc à libérer toutes les données à caractère public et qu'elles soient librement donc à la fois diffusables et utilisables par les personnes. C'est un courant qui est quand même assez vieux puisqu'il date de la fin des années 50, des années 1950, avec donc des géophysiciens américains qui commencent à dire que voilà, il faut des données qui soient disponibles pour tout le monde. Ça vient d'une tradition qui est beaucoup plus ancienne que ça chez les scientifiques de considérer que la connaissance de façon générale elle appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Donc on fait des recherches, on publie ces recherches, mais après ça peut être utilisé librement par les autres chercheurs, le fruit de ces recherches. C'est assez récent le fait que maintenant certains chercheurs mettent sous copyright leur publication, essaient d'en tirer des brevets, et ça donne le fiasco des brevets logiciels et d'autres brevets aux États-Unis. Les brevets pharmaceutiques, les brevets de l'ACTA. Donc voilà. Il y a quelques citations sympathiques. Une en 1997, I want my data back. Donc c'est John Bozak, quelqu'un qui travaille sur les données. C'est un sujet sur lequel ça buzz en termes marketing, comme on dit, depuis quelques années. Et donc voilà. Pour les projets d'open data les plus importants, il y a le génome humain qui a été séquencé par plusieurs laboratoires et maintenant qui normalement est dans le domaine public. On a normalement soit il y est, soit il y a une volonté de le mettre dans le domaine public. Il y a une fondation qui s'appelle OSGEO, si je ne me trompe pas, qui, elle, travaille un peu dans tous les pays pour libérer les données géographiques. Donc la NASA libère déjà certaines données, des données topographiques, des images satellites. Mais donc là, c'est pour vraiment aller plus loin, avoir toutes les données des différentes communautés de communes, de différentes collectivités. Donc voilà. Après, il y a la volonté de libérer les données météo pour notamment faire des études sur le long terme en climatologie. Là, ça a un impact direct sur tout ce qui est polémique autour du réchauffement climatique, du climate gate, etc. Parce que là, on a une grande partie des données qui est publique, mais là, au moins, le fait d'avoir ces données, de pouvoir faire ses propres analyses, ça permet vraiment de lever tout doute sur le souci. Voilà. Puis lever toutes les ambiguïtés sur qui publie quoi. Ouais. Donc l'open data, c'est caractérisé par plusieurs choses. D'abord, mettre aucune restriction à l'accès de ce contenu, ne pas la réserver que aux personnes d'un pays donné ou avec d'autres critères. Il faut que ça puisse être librement utilisé dans des produits dérivés, qu'ils soient commerciaux ou non commerciaux. Parce que si on limite l'usage commercial, il y a tout un travail de développement qui ne va pas forcément être pouvoir fait par des bénévoles. Et il y a aussi des usages commerciaux qui peuvent être intéressants. Ça va être producteur de richesse pour la collectivité et pour la personne qui libère les données. C'est de la licence BSD, ça. C'est de la licence BSD. Enfin, c'est plus proche de la licence Creative Commons. Oui, c'est vrai aussi. Donc voilà. Et donc là, maintenant qu'on a ces données, on peut faire une analyse de la société sur certains critères. C'est peut-être intéressant de voir ce qu'on peut modifier. Et alors là se pose le souci de la prise de décision. Il y a à l'heure actuelle dans des systèmes représentatifs qui fonctionnent avec des scrutins uninominales à un ou plusieurs tours. Le scrutin uninominal à un tour, c'est la forme la plus simple de vote, de sanctionner une décision. Mais on garde sur plusieurs hypothèses, sur plusieurs choix, on garde qu'un seul choix. Donc ça provoque beaucoup au niveau mathématique, ça provoque beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce choix-là. C'est la sanction d'une majorité qui met en minorité le reste de la population. Donc, il y a des personnes qui ont réfléchi dessus, sur les systèmes de vote, et qui ont même mis des critères pour qualifier les systèmes de vote. Il faut que le vote soit représentatif de la plus grande partie de la population, qui soit représentatif de tout le monde. Donc il y a un critère d'universalité. Oula, voilà. Il faut pas que le vote d'une minorité ou d'une personne puisse prendre le dessus. Donc il y a un critère de non-dictature. Il faut que tous les votes possibles pourraient s'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote inutile. Non, c'est que on pourrait envisager toutes les hypothèses. Il ne faut pas qu'il y ait un vote qui soit bloquant et qui ne puisse pas. Oui. Voilà. Donc, ça donnait des recherches avec plusieurs méthodes de vote. Il y a le vote par approbation. Donc, on met un vote pour les personnes qu'on veut voir, et donc un vote positif, un vote négatif pour les personnes qu'on ne veut pas voir siéger. Donc les personnes qui vont siéger seront les personnes qui auront un score positif. Les personnes qui ont un score nul ou négatif ne seront pas élues, voire dans certains cas avec un fort vote négatif on pourrait dire vous n'avez pas le droit de vous représenter pendant une certaine période, parce que ça montre une certaine désapprobation de certains candidats. Il y a pas mal de méthodes qui dérivent toutes d'une méthode dite méthode de Condorcet, du nom d'un politologue et philosophe juste avant la Révolution française, où on va faire une liste de personnes pour lesquelles on vote, dire je vote pour A, pour B, pour C, pour D. Et donc d'autres personnes vont faire d'autres choix, d'autres listes, vont faire d'autres classements, parce que c'est un vote par classement. Et donc on va calculer des duels entre les différentes combinaisons, et il faut que la personne élue arrive à battre dans chacun de ces duels, à battre tous les autres. Donc ça utilise en fait des graphes en mathématiques, on calcule les arcs et on... Voilà. Mais le problème, c'est que la méthode de Condorcet, elle permet pas forcément de dégager une solution, de dégager un gagnant de Condorcet. Donc il y a des améliorations. Donc il y a le vote de Buchling, la méthode Buchling, la méthode Black, où en fait, donc on va faire plusieurs tours au niveau des. Donc on va faire plusieurs tours au niveau des duels. Donc les seconds dans la liste vont venir se rajouter pour pondérer les premiers. Voilà, il y a des méthodes statistiques pour essayer de résoudre le paradoxe de Condorcet. Random, l'émission qui vous parle des algorithmes de vote. Pas des algorithmes, des méthodes de vote. Bah. Parce que après un vote, il y a aussi, en fonction des résultats obtenus par le vote, il y a une façon de les interpréter. De les interpréter, notamment pour les parlements, de venir pondérer, essayer de donner une majorité ou pas, ou d'avoir une représentativité plus grande. Donc voilà. Mais donc les. Bon, je ne sais plus si c'est les systèmes de. Les méthodes de Condorcet ou les range votes, en fait, qui avantagent plus les partis modérés ou dits centristes. Donc ça. C'est pas encore représentatif. Je crois que c'est plutôt les systèmes de Condorcet ou certains dérivés des méthodes de Condorcet. Et le problème, c'est que il y a certains critères qu'on attend d'un suffrage qui ne marche pas. Donc sinon, après, ce qu'on peut faire, c'est un vote où on va donner des points. Donc plus classer les personnes, mais donner des points, on peut donner un même nombre de points à différentes personnes. Donc ça donne des votes pondérés. Et donc dans les votes pondérés, il y a le range vote. On a un certain nombre de points qu'on peut attribuer à chaque personne. Et là, ça va être pratiquement le vote le plus représentatif des volontés des personnes. C'est notamment utilisé donc dans le projet Fedora et dans le projet Debian pour élire les lead développeurs ou les... La core team. Oui. ou pour élire la tête du projet, la tête administrative du projet. Donc voilà. Mais en fait. Donc ouais, qui utilise ce genre de truc alors dans les logiciels libres ? Alors le range vote est pas mal utilisé dans les logiciels libres. Les méthodes de Condorcet et des dérivés des méthodes de Condorcet sont utilisées dans des comtés ou des États américains, en Australie. Il y a pas mal de gouvernements de différents pays et de différents États qui essayent d'améliorer le vote et de le rendre plus représentatif. Tu m'avais dit en Allemagne aussi. En Allemagne, il y a, pour les Landers, il y a des listes où on peut biffer des personnes. Et, donc ça va réorganiser c'est des scrutins par liste, mais on peut pondérer la place des candidats et changer la place des personnes dans la liste. Donc c'est pas tout à fait un range vote, mais ce serait à peu près un range vote avec 0 ou 1. C'est un vote plurinominal avec pondération. Voilà. Mais donc le problème, c'est que il y a aucun des systèmes de vote qui satisfait tous les critères qu'on attend tous les critères électifs. Et donc il y a à imaginer d'autres méthodes d'organisation qui sont notamment mises en place dans les projets de logiciels libres et dans d'autres projets. Alors j'en ai retenu deux parce que les systèmes d'organisation sociale, il y en existe un paquet. Il y en existe donc quelques dizaines, voire un peu plus d'une centaine. Mmh. Donc là j'en ai retenu deux qui cadrent bien avec le logiciel libre. Ou avec les communautés hackers, il y a la méritocratie où en fait les personnes vont avoir de plus en plus de responsabilités en fonction de ce qu'elles ont apporté à la communauté. Donc ça va permettre de faire progresser le groupe et de structurer un peu la décision, mais de la hiérarchiser quand même un peu. Méritocratie, ok, mais comment on détermine celui qui a du mérite? Parce que ça. Alors, après, c'est la grande gueulocratie. Ah, d'accord. Qui a le plus de mérite gueule le plus fort. Ça peut dépendre des communautés, par exemple, celui qui a produit le plus de patchs qui ont été intégrés dans le tronc, dans le trunk. Et c'est pour ça, chez OpenBSD, il y a un mec, c'est le mec qui a codé OpenBSD, OpenSSH, ben voilà, c'est le chef. Et sinon, donc un autre. Je vais finir vite pour qu'on puisse passer à l'agenda. J'ai trouvé un article qui est assez intéressant sur la cybérocratie, donc qui est un des modèles de technocratie, où en fait la cybérocratie c'est un modèle de gouvernement, un modèle de gestion, qui est basé sur l'échange d'informations, où l'important c'est que dans ce mode de fonctionnement l'information passe le plus vite possible et que les personnes qui ont les capacités de traiter le problème correspondant à l'information s'en saisissent en fait. C'est un peu ce qu'on retrouve dans des groupes autour des libertés numériques, dans certains groupes hackers. Et puis sinon après, il y a mais ça c'est relativement vieux comme modèle de prise de décision, il y a la décision prise par consensus, c'est celle qui a les meilleurs résultats. Voilà. Alors là, il me reste donc, très très très peu de temps. Merci pour ce très très intéressant dossier sur le hacking de société, le hacking de ta société. Rapidement, l'agenda. Jeudi 14 octobre, il y aura une flash mob. Je suis désolé, j'étais mort de rire, je regardais la chorégraphie de la flash mob. Organisée par le service des sports de l'université Lille 2, donc au programme chorégraphie débile et musique de merde. Rendez-vous à 18h30 sur la place de la République, on y sera peut-être pour distribuer les tracts anti-lopsy, machin. Dimanche 17 octobre, ce sera dimanche prochain, les codes GNU numéro 2. Dans 15 jours, dimanche 24 octobre, Random 26. Du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2010, il y aura le Plastic Hackerspace Festival 2010 au Templab à Vitry-sur-Seine. Le vendredi 5 novembre 2010, ce sera le meeting 2600 Lille. Toutes les infos sur www.2600lille.org. Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2010, il y aura le hackathon NetBSD, c'est à l'ESPCI, École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris, ce sera 10 rue Vauclin, Paris 5. Il y a des mails qui sont passés sur les listes de diffusion de chez NetBSD, donc voilà, premier hackathon NetBSD en France. Et puis, c'est bon. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est l'heure de Choupapi Manto, votre émission sur Radio Campus, 106.6 FM. À bientôt, à dans deux semaines. Gros bisous.